Liège.be avec la Wallonie et la ville de Liège. La première. Très bon samedi à tous, il est 11h. Les infos, Islaine Kounda. Bonjour Islaine. Bonjour à tous. Ils espèrent être apaisés après cette rencontre avec le pape. 450 Niçois, victimes et familles de victimes de l'attentat de Nice seront reçus en audience privée au Vatican ce midi. Ils ont été invités par François lui-même. L'attaque au camion commise par Mohamed Laouesh Bouhalel sur la promenade des Anglais avait fait 86 morts. Les suites de l'enquête sur les attentats de Paris. Une sœur de Fabien Klein, celui qui avait été prêté sa voix dans le message sonore du groupe terroriste État islamique après les attaques, va être présentée devant un juge antiterroriste. Elle devrait être mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Elle a été arrêtée mardi dernier avec son mari et ses enfants à l'aéroport de Roissy en provenance de Turquie après être partie en Syrie. Des nouvelles du couple Chirac. En France, Bernadette Chirac est rentrée chez elle hier soir après 4 jours d'hospitalisation pour se reposer. L'ancien président Jacques Chirac, 83 ans, lui est toujours dans un hôpital parisien, soigné depuis dimanche dernier pour une infection pulmonaire. Le bilan de cette nouvelle fusillade hier soir aux États-Unis dans l'État de Washington fait état maintenant de 4 morts. Les victimes sont toutes des femmes. Un homme a aussi été blessé. Hier soir, le tueur est entré armé dans un centre commercial. Il a tiré avant de prendre la fuite. La police a lancé une chasse à l'homme. Alep, toujours sous une pluie de bombes en Syrie. Ce matin encore, des avions ont mené une nouvelle série de frappes aériennes au-dessus du quartier contrôlé par des rebelles. Hier, des habitants de l'est de la ville ont dit avoir enduré les bombardements les plus violents depuis le début du conflit en Syrie. Le bilan varie entre une cinquantaine et une centaine de morts selon les sources. La grande place de Huy, toute illuminée ce soir pour fêter les 250 ans de l'hôtel de ville. La ville en profitera pour inaugurer ainsi à 21h la première phase de son plan de paysage nocturne. Il y aura notamment des textes projetés sur les façades et puis la soirée sera animée aussi par un festival des arts de la rue. 20 compagnies internationales se produiront dans les rues fixes et déambulatoires. Merci de votre attention. Toute l'info est sur rtbf.be. Et à présent, c'est bientôt à table. Avec vous, Sophie Mounz. Rislaine, avec nous ce matin, le plus américain des chefs belges, Alex Joseph. Il est venu avec quelques dégustations, on parlera de produits de saison. Et on aura même zioté chez une vigneronne du Bordelais. Mais vous allez voir, elle a mis un grand coup de balai dans le truc. Hein, tout ça jusqu'à midi. La première. Pendant les Audi Days, vous allez être surpris. Surpris par les conditions exceptionnelles sur l'Audi A1. Surpris par son tempérament et son agilité en ville. Et surpris par la technologie unique PJR, qui signifie « Pince-moi, je rêve ». Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 euros ou 129 euros par mois en personal lease. Infos et conditions sur audi.be et chez votre distributeur Audi. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Et me voilà ici, tout seul, dans l'horreur. Ce n'est pas bien grand, donc je me suis fait tout petit. Ce sont les enfants qui avaient proposé un service flat. Un service flat. Ha ha, je t'ai trouvé, papy. Oh, t'es trop fort, Simon. J'étais pourtant bien caché. Ouais. Qui aurait pu croire que je me plairais autant chez Harmonia? Nous cherchons tous le bonheur à tout âge. C'est pourquoi Harmonia est toujours proche de vous, avec une solution de logement qui correspond à vos besoins et vos envies. Maison de repos, service flat ou résidence service? Ensemble, nous en ferons votre nouveau foyer. Nous vous informons sans engagement au 0800 93 430 ou sur harmonia.be. Harmonia, le bonheur à tout âge. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de Bordeaux Château Landonnais 2015 achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Comme tout le monde, vous savez que Spa-Francorchamps, c'est le plus beau des circuits. Mais vous ne savez peut-être pas que c'est aussi un endroit magique pour organiser un séminaire, un banquet de fin d'année, un lancement de produits ou une fête familiale. Spa-Francorchamps, une multitude de solutions pour l'organisation de votre événement. Info sur www.spa-francorchamps.be. Il se passe toujours quelque chose au circuit de Spa-Francorchamps. En plein cœur de la plus belle des régions. Nouveau, l'offre week-end de La Libre. Consultez chaque jour La Libre en numérique et le samedi, retrouvez-la en version papier dans votre boîte. Accompagnez des suppléments La Libre Entreprise et le Quid. L'offre week-end de La Libre. En septembre, offre de lancement exceptionnelle à 12,99€ par mois. Infos et abonnements sur lalibre.be. Offre soumise à condition. La Libre, faisons vivre l'info. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais... Voulez-vous acheter mes post-it Cap 48 ? Baissez vos vitres pour Cap 48. À partir du 30 septembre, achetez les post-it Cap 48 au prix de 10€ au profit des personnes handicapées. Cap 48, pour que le handicap ne soit plus un handicap. Avec le soutien des Lions, Télépro et la Loterie Nationale. La première, 11h midi, le samedi, bientôt à table, avec Sophie Mouns. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre table du samedi, une tablée plus que jamais gourmande, goûteuse et inspirante, avec comme chaque semaine notre spécialiste gourmand, Monsieur Carlo De Pascal. Bonjour Carlo. Bonjour Madame Sophie Mouns. Au programme du jour, rencontre avec un chef, Alex Joseph, du pays de l'oncle Sam au fourneau belge, itinéraire d'un cuisinier débridé. Il est installé en Belgique depuis quelques années, il nous fait découvrir une cuisine audacieuse, savoureuse, saisonnière aussi. Je vous laisse nous faire les présentations. Eh bien, Alex Joseph, oui, effectivement, c'est un chef américain. Donc ouais. Il vient de l'oncle Sam, il est californien. Il n'a que 30 ans et on va en parler dans quelques minutes. Good morning, Alex. Good morning, Joseph. Alex. Oui, good morning, tout le monde. Bonjour. Ouais, c'est bien. C'est bien. Vous êtes venu avec toutes belles choses, les premières noix de Saint-Jacques. Exactement. En carpaccio. Exactement, la saison ça commence 1er d'octobre. Oui, oui, et on sait qu'on est le bon pain chaud qu'ils étaient en trouvé pour nous. Juste pour cette mission. Évidemment. Oui, exactement. Magnifique. Oui. Vous nous parlerez de tous ces bons produits de saison et même des ingrédients de la bière. Vous êtes associé à une grande campagne pour resensibiliser les Belges à ces produits de la bière, l'orge, le malt, le houblon. À comment les intégrer en cuisine, vous nous donnerez quelques conseils. Balade ensuite dans le vignoble avec notre spécialiste Patrick Fievet. Bonjour à tous. Journaliste à l'Écho et auteur du site Le Guide d'achat des vins, n'est-ce pas ? Exact. Alors aujourd'hui, rencontre avec une vigneronne. Bordelaise, effectivement. Bordelaise. Oui, on en parlera tout à l'heure, qui a une certaine personnalité et qui s'est convertie, je puis dire, au bio. Bah oui, il était temps. Et la famille n'était pas nécessairement d'accord à la base, mais enfin, on en parlera tout Elsa à l'heure. Elsa Ménard du avec château. Avec du château Mémoire. On déguste là ? On a quoi ? On déguste le Sauvignon 2015, en bio donc, du château Mémoire. C'est en appellation hein. Bordeaux. Alors, il est bien tendu, comme dirait l'autre. Ah oui, oui, on est tous bien tendus autour de la table. Au niveau de la tension, il n'y a pas de problème. Vos questions, les amis, sont évidemment les bienvenues via le site lapremière.be ou via notre page Facebook, bientôt à table, La Première RTBF. Bientôt à table sur La Première. Bon Carlo, petite présentation express tout d'abord de notre chef du jour pour resituer un petit peu tout ça. Bonjour Alex Joseph, bienvenue à Soon at Lunch. You like the Belgian broadcasting? Ah oui, je suis content d'être là. Sauf que vous savez ce qui lui est arrivé, il est allé à la concurrence ce matin, il s'est trompé de chef. You better say yes. J'arrive à le mauvais endroit. Quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Alex Joseph, vous savez Sophie que le jeune homme qui est devant nous, il a tout juste 30 ans au compteur, il a gagné le prix du meilleur jeune chef San Pellegrino en 2015 avec un, je cite, délices de lapin et purée de pommes de terre, légumes de saison, moutarde violette, oignons sauvages marinés. Voilà. Faut que ce soit des Américains qui viennent nous montrer comment on cuisine le lapin. Ici, presque plus personne n'ose servir du lapin au restaurant. Pourtant, c'est bon le lapin. Alors Alex, il vient quand même d'une région viticole, le comté de Sonoma, et il vient de Graton, plus précisément. Oui, oui, ils ont un bled qui s'appelle Graton, juste à côté de Friton et Rion, à droite au bout du chemin qui mène de Gézier à Riette. Tout ça c'est en ça, Amérique. C'est ça, oui, oui. D'habitude, les chefs qu'on invite ici nous disent que leur grand-mère leur a tout susurré à l'oreille avec beaucoup d'amour, et que c'est en faisant la purée qu'ils ont senti la vocation. Chez Alex, c'est un peu différent. Il s'est mis au fourneau à 10 ans, parce que dans sa famille, ni son père ni sa mère n'en touchaient une, et il s'est dit que ça pouvait pas comme ça continuer, rester durer. C'est vrai en plus. Hein, c'est... À 13 ans, Alex, il fait la plonge chez des Rital. Il se retrouve ensuite, comme on dit, au froid. hein, au froid, aux entrées froides. Hein. Ouais. Et en 2005, après de multiples expériences, il fait un bond décisif dans sa connaissance de la cuisine au Cyrus, un 2 étoiles à Hillsburg, en Californie. Et là, le chef Douglas Keane lui apprend le métier de tout, mais surtout le métier de saucier, parce que, alléluia, praise the Lord, Alex, il aime la sauce. Puis c'est New York, 11 Madison Park, ouais. 3 étoiles pendant un an, et ensuite il obtient un job à ce qui, à l'époque, un tout nouveau restaurant, le Rouge Tomate de New York, qui se chope une étoile, là, comme ça, tout de suite. Mmh. C'était il y a 7 ans, et alors du coup, on prend Alex Joseph, on lui dit, toi, tu vas au Rouge Tomate à Bruxelles pour fine-tuner la cuisine, etc. Et puis maintenant, il est toujours là, sauf que maintenant, il est chef associé propriétaire d'un resto ambitieux qui a perdu un peu de son hystérie sanitaire du début pour faire la cuisine de qui ? D'Alex. Et la cuisine d'Alex, c'est quelque chose. Déjà, techniquement, il est très très fort. Il n'a jamais peur de se faire mal. Mais il ose. Il est d'ailleurs un peu à contre-courant de nombre de tendances d'aujourd'hui, car il ose le mélange audacieux des saveurs. Je vais enfoncer une porte ouverte de tarte à la crème, mais c'est probablement les origines du jeune homme qui ne traîne pas comme un boulet une culture gastronomique ancienne. Ses origines lui permettent de mettre des fleurs dans la pâte à lasagne et de la lavande dans les gnocchi. Je vous jure qu'il le fait. Oula ! 7 ans plus tard, Alex s'est pris de passion pour notre terroir. Il a gardé du concept diétético-branché du début de Rouge Tomate une vraie passion pour les légumes. Pour lui, le légume arrive avant, tout comme la sauce. Et ensuite, il décide quel poisson ou quel bidoche il va mettre tout près. Une petite parenthèse à la classique 21, les amis. Hein, ah oui. On y va ? Dear Alex, we are very happy to welcome you, Sophie and I, on La Première. I'm sure you know this is the best food program of the world. Stay tuned. Yes. Yes. Bon, excite la parenthèse classique. Hein. On revient à La Première en bon français. Voilà. Merci, Alex. Welcome on La Première, sans l'accent, c'est bien aussi. Donc, je rappelle, chef américain qui nous fera le plaisir de nous accompagner jusqu'à midi pour nous faire découvrir sa vision de la cuisine. Vous étiez venu au départ pour quelques mois Bruxelles et vous êtes au tout début, j'étais arrivé parce qu'on a vite réalisé à New York qu'on avait une étoile et à Bruxelles à l'époque 2008, Rouge Tomate n'était pas bien parlé quoi. Ouais. Et j'étais envoyé pour un peu réparer la cuisine et de commencer zéro. On a vidé l'équipe et on a vraiment commencé zéro, mais je parlais aucun mot de français à ce moment. Et c'est quoi le contraste d'apprendre... Maintenant, il en parle deux. Oui, c'est ça. Mais comment se fait quand on est dans une culture américaine de la gastronomie ? Bon, vous veniez de New York ou de New York qui sont déjà dans une cuisine très santé, hein, où on voit fleurir tous ces restaurants, où le légume est au centre de l'assiette. C'est vraiment pas ce qui représente bien les États-Unis malheureusement. Mais quand vous êtes venu en Europe et en Belgique ici, mais le contraste difficile. A été... C'est difficile, ouais. Parce que d'abord, en États-Unis, on a l'autre goût. À fait manger, c'est une autre histoire. Et même, on a le bon chef, hein, on a le 3 étoiles. Quand vous dites on a un autre bon chef, goût aux États-Unis, ça veut dire quoi ? Par exemple, un plat de légumes ? Pour exemple, on mélange beaucoup sucré et salé. Ah oui, on évidemment. Est connu pour ça. Ouais. Et j'essaie de faire les choses que j'ai connues de l'États-Unis, ici en Europe, mais ça ne marche pas pour la même palette. Hein. Et c'est d'apprendre le produit. C'est une idée un peu fou. Il va envoyer un Américain à Belgique pour faire apprendre la culture. Oui. Et je ne savais même pas le produit, je ne savais même pas la langue. Où il faut acheter le bon produit, ça prend le temps. Vous me disiez, hors antenne, que finalement, il y a une culture gastronomique plus forte chez nous, en Europe et en Belgique, qu'aux États-Unis. Oui, je suis d'accord. Vous avez découvert des produits chez nous que vous ne connaissiez pas aux États-Unis, par exemple Mais c'est tout bon, petite crevette grise. Mais de ça, c'est délicieux, ouais, j'adore. Et quand tu prends entier, tu enlèves à la main, ils sont délicieux, ça. Et ça, on n'a pas. On a, mais. Dans ça vient des de grands loin. C'est pas le même. Le plus grand différence que j'ai réalisé très vite ici, que les gens sont passionnés pour le produit. Et ici, en Belgique, ils ont le savoir-faire de produits, traduit cette passion dans le produit. C'est ça, je et il y a aussi une culture du fromage. Moins que les Français, mais c'est vrai que l'Europe, c'est le fromage. Incontournable sur toutes les tables, et ce n'est pas forcément le cas aux États-Unis. Hein. Non, et aussi on est en Belgique, et on a forcément, c'est l'histoire de la bière ici. Et j'ai ramené des choses, l'orge et des choses à faire goûter, parce que notre nouveau projet, c'est un resto éphémère sur le Grand Place, pour un mois d'octobre, magnifique. Et c'est magnifique. Pour faire découvrir justement cette culture cuisine à base des ingrédients de la bière. On a là devant vous, Alex Joseph, des fleurs de houblon, évidemment, hein, une odeur très très particulière d'ailleurs. Vous êtes venu avec de l'orge et du malt, qui est de l'orge germée, torréfiée. Donc vous nous expliquerez comment utiliser par exemple ces produits en cuisine. On va s'offrir d'abord une petite pause musique avec Poum, ou Pomme, je ne sais pas. Poum, qui es-tu? Perdu dans un rêve, ce n'est pas les basses du boulevard qui grondent sans trêve et lascive sur le lit. Tu m'excites, je dérive et m'invite dans ta vie. Je rêve, et je rêve, qui es-tu? Et je rêve, et je rêve, qui es-tu? Je sens ton qui m'embrasse et je n'en fais rien. Je feins d'ignorer la terrasse d'où tu rêves en vain et pensive sur mon lit. Tu m'excites, je dérive et t'invite. Vous écoutez La Première, bientôt à table, notre invité du jour, un chef américain venu s'installer dans la plus belle ville du monde, Bruxelles. Alex Joseph avec nous ce matin. Vous sévissez chez Rouge Tomate, qui est une enseigne bien connue des Bruxellois. Rouge Tomate, au départ, avec une convention santé, hein, où tout le légume était mis sur le devant de l'assiette. Ça a un petit peu changé, quoique le légume reste tout à fait central. C'est lui qui sert de départ à toute votre partition gourmande. Alors là, avec l'automne qui arrive, il y a beaucoup de choses à décliner en cuisine. Exactement. Les potimarrons, les choux, les champignons. Là, il fait peut-être encore pas assez humide. Exact, on attend un bon pluie et ça va commencer. Oui, donc tous ces légumes-là. Et alors, j'ai découvert, vous m'en parliez il y a quelques instants, qu'il existait des cèpes dans les Ardennes. Oui. Bah non. Vous ne savez pas? Bah non. Mais même dans la forêt de soigne, mais on ne peut pas les ramasser. Mais c'est interdit. Pas. Et en campine aussi, sur les sols sablonneux, donc il y a des coins. Vous saviez ça, vous? Ben oui, j'en ai ramassé. Vous ne l'avez pas dit. Bah écoutez Sophie, on a encore tellement de choses à découvrir, bon, vous et moi. Alors, le légume, toujours central dans votre approche de la cuisine. Comment est-ce qu'on fait en cette période pour, par exemple, parce qu'on a pas mal de demandes d'auditeurs, pour décliner tout ce qui est potimarron? C'est quoi votre truc, par exemple? C'est rôti au four? C'est à l'eau? C'est comment? Moi, j'ai fait rôti au four, niveau des goûts. Et quand je prends un petit potimarron, le plus petit là... D'abord, je le vide, tout ce qui est le pépin et le chair à l'intérieur. Oui. Et comment tu dis ça? Tu mets à l'inverse, comme ça, c'est la vapeur sur le pot, c'est l'extérieur. D'accord. Tu coupes en deux, le pot, c'est l'extérieur. Et suivante, en dessous, on assaisonne sel, poivre et huile d'olive. D'accord. On met un éclat d'ail, un étoile d'anis. Et ça, pendant ça cuit, pendant 45 minutes au four. Oui, voilà. On le couvre avec aluminium. 185. Une heure quart. Après, tu enlèves l'aluminium. Et là, c'est encore 5 minutes que ça caramélise un petit peu. Mais d'avoir les épices en dessous, ça donne le ça goût. Ça va diffuser dans le potimarron. Ouais, et après, on lance pour un bon soupe. Pas mal. Donc, 185 degrés, combien de temps au four? Une heure quart. Ça, c'est un bon ça dépend de la taille, ça peut être 45 mais minutes. Moi, je le mettais toujours dans l'autre sens, évidemment, et je mettais l'huile d'olive dessus. Votre mais effectivement, du coup, on a vraiment tous les arômes. Tu as le vapeur qui va l'aider à cuire. On pourrait même mettre un petit peu de thym là-dedans. Exactement. C'est toujours ça que j'aime dans la cuisine. Ouais. Un reset, ce n'est pas une règle de dire, OK, ça doit être exactement ça et ça. On peut toujours jouer, un jour on met le thym, le prochain jour c'est un feuille de laurier, un cannelle, on peut toujours jouer. Quoi. Mais ça, Anis étoilée, je retiens aussi pour aromatiser ce potimarron qu'on ne doit pas éplucher, hein. Lui on ne doit pas l'éplucher. Non, non. Le potimarron. Si tu laves bien la peau, c'est mangeable, on met ça dans la soupe. C'est juste intéressant cette histoire d'Anis étoilée, parce que j'ai la chance de connaître un petit peu la cuisine d'Alex, et il n'a pas peur de mélanger les saveurs, j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction. Ça peut surprendre parfois. Mais Anis étoilée et potimarron, a priori. Oui, mais ce que je veux dire, ce qui peut surprendre, c'est que, connaissant Alex, il ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'il va mettre Anis étoilée et potimarron, je suis sûr qu'il va encore ajouter quelque chose. Et d'ailleurs, vous êtes en train de goûter, Sophie, un tartare de Saint-Jacques, et vous remarquez que. Écoutez, c'est. Il y a beaucoup de saveurs différentes. D'ailleurs, peut-être tu peux nous en parler. Alors, on va peut-être rappeler Alex, que la saison de la noix de Saint-Jacques, de la Pectaine Maximus bretonne, commence en octobre. Là, vous avez un petit peu d'avance. Mais c'est difficile d'avoir ça aujourd'hui. Donc, on privilégie évidemment les vraies noix de Saint-Jacques et pas les pétoncles, les lointains. Un cousin surgelé et utilisé d'ailleurs dans les préparations. Tout ce qui est Saint-Jacques, à la Bretonne, on l'a déjà dit souvent, mais donc Saint-Jacques n'est pas une appellation commercialement protégée. Voilà. Donc quand vous achetez des trucs surgelés et que vous voyez que c'est grand comme la tête d'une épingle, en général, c'est autre chose. Ça peut être des pectènes Magellanicus qui sont pas mauvaises ou autre chose. Mais je voudrais savoir, Alex, qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? Parce que je ressens votre signature, la signature de plein d'ingrédients, et en même temps, ça fonctionne. Ça fait un accord. Donc, on est en version crue, ici. Oui. Quand on pense à la recette, pour nous, cette recette, c'est encore basé sur le bière. Et ça, c'est un des assiettes qu'on va mettre sur la carte à Brut by Nature, à la Grande Place. Mais le tartare, c'est assaisonné avec un peu de zeste de citron, huile de laurier, citron jaune, juste d'accord. Le zeste. Mais je ne mets pas le jus parce que ça va cuire trop le Saint-Jacques. Oui. Et ça va enlever le côté de cru. Et le gelé, c'est de l'œuf royal. Mm-hmm. Et c'est juste mettre en vraiment fine, 1 mm quoi. Et du caviar, et les fleurs, c'est quoi? Et le fleur, c'est le tagette. De la tagette. On parlera dans deux semaines, justement, de toutes ces petites herbes et fleurs comestibles avec le grand chef Régis Marcon. Je suis venu vous aider, Sophie. Qui nous en parlera notamment de cette tagette. Mais si on veut faire une noix de Saint-Jacques, là, durant le mois d'octobre, donc vous la détaillez en petits cubes. Oui, c'est ça. Tu enlever le Saint-Jacques pendant ses vivants, si tu arrivais sur le coquille, avec un couteau simple à taper, un couteau... pour vraiment couper juste un petit couteau que tu entends. Oui, bien sûr. Et tu enlèves en eau et tu enlèves avec une cuillère le noir de Saint-Jacques. Bien sûr. Et tu dois rincer à l'eau froide, éviter d'avoir le sable. Et là, dans ce cas, on a pris le coquille, on a bien frotté, on a lavé. Mm-hmm. Et là, on remet le tartare dedans, après c'est assaisonné. On va découper la noix de Saint-Jacques en petits cubes. Exactement. Du zeste de citron. Zeste de citron, j'ai mis de l'huile de laurier. Oui. Et le jus, c'est un lait au citron, fenouil. Mais ça c'est plutôt une émotion, on va faire le resto, mais c'est ça que j'ai ramené en petite sauce. Mais là, ça devient la petite touche du chef étoilé. Et bon, si on veut la faire toute simple, donc on détaille en petits morceaux, des zestes de citron, un petit peu d'huile de laurier. Huile de laurier, nous on fait nous-mêmes, mais c'est un bon huile d'olive extra vierge. D'accord. Ça va être délicieux. Ton zeste de citron et un goutte de la bière, l'œuf royal, ou un bière de vos choix. Et tu mets... Parce que nous, on a fini avec de Haut Garden Radler. Avec vous mettez dans le carpaccio quelques gouttes de bière. Oui, exactement. Donc ici, pour vous, ce sera la lèvre, par exemple. Oui, le gelée, c'est la lèvre. Et pour assaisonner le fan, dans le tartare, on a mis juste quelques gouttes de Hoegaarden Radler, qui est agrumé. C'est le 0-0, c'est pas alcoolisé, mais ça ajoute un chouette goût frais, quoi. Je suis sûr que ça marche aussi avec des bières artisanales. Oui, oui non, mais il va falloir écouter. Et le côté crunchy, un petit peu. Mais, ça, c'est la malt. On a la malt torréfiée. Et ça, c'est pour aussi ajouter un texture et un côté terre. Voilà, donc c'est le malt que vous vouliez dire, pas la menthe. Parce que la malt, c'est mon accent. Non, mais c'est très très bien. Mais... J'insiste là-dessus, parce que je voudrais quand même rendre hommage à ce travail. Parce que la cuisine, c'est quelque chose de très très varié. On est dans une tendance où on fait des choses très très simples sur le produit, etc. Et Alex, il continue à oser... Le mélange, mais je répète, il y a quelques chefs comme ça. Moi, je pense à Isabelle Arpin, par exemple, qui est une chef dont on parle beaucoup en ce moment. Quelques chefs à Bruxelles et ailleurs qui continuent à oser l'assemblage de saveurs et à faire de la musique avec ça. Et je trouve ça très intéressant et assez rafraîchissant dans tout l'éventail de ce qu'on peut manger de nos jours. Alors, il n'y a pas trop de saveurs dans l'assiette non plus. Oui. Non, parfois, bien sûr, mais... un peu par excès mais, de... Mais je suis d'accord avec toi avec ça. Multisaveurs, ça ne va pas non plus dans... Non, mais il ose quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de touches, mais au final, c'est harmonieux en bouche, même si c'est très symphonique, si je puis me permettre. Alors, pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui nous rejoignent sur nos réseaux sociaux, bientôt à table, la première RTBF sur la page Facebook, qui nous envoient des questions de recettes à base de champignons. Les champignons vont arriver. Un petit peu de pluie ne ferait pas de mal d'ailleurs, hein, pour les voir pousser dans nos forêts. Quels sont vos champignons de prédilection? Et une petite recette, mais très très simple, faisable par tout le monde, chef. J'aime bien faire chez moi le week-end, quand on est dans la belle saison de champignons. C'est fait un mélange de champignons de bois, fait à la sautoir, un peu d'ail, un peu de thym, et fini juste avec un tout petit morceau de beurre, juste à la fin pour parler. Et on met pâte fouilletée. Et tu coupes un morceau de pâte fouilletée qu'on peut acheter déjà faite, et tu mets ton champignon dessus. Donc une pâte feuilletée, oui. Tu vas faire un genre de tartelette avec la pâte fouilletée. Tu la cuis d'avance? Non, je laisse cru. Tu laisses ça sur un plaque à cuisson. Tu mets son champignon, tu râpes un peu de parmesan. Quelques petites cuillères de crème épaisse. Ouais. Juste comme ça. Ouais. Et tu fais rôti au four et tu enlèves et tu termines juste avec le fleur de thym. Juste écraser le doigt. Un petit peu de thym. Ouais, fleur de thym. Fleur de thym. Pas le fleur exactement, mais le feuilleté, quoi. Ok, ouais. Et là vous faites cuire combien de temps au four? Si c'est un four 165, 170, 10 minutes. Et peut-être tout simple. Ouais, mais c'est tout simple et c'est tout bon. Oh et, là là. Mais tu peux aller plus loin, hein. Si tu veux, tu fais les oignons caramélisés avec, tu peux faire le pommes de terre qui sont déjà cuites, tu peux ajouter un petit goût d'huile de truffe si ça fait plaisir. Ou de fromage de chèvre par exemple, exactement. Ça marche bien. Pour moi, la recette, c'est pas fixé, on peut toujours jouer, imaginer, au moins la saveur, ça mélange bien. Est-ce que les Américains sont friands de champignons? Oui, on a beaucoup. Oui, on a un champignon qui pousse en Oregon et Washington. Oui. Et il s'appelle le Matsutake, et c'est connu par nous par la truffe de Japon. Ah oui. Truffe de Japon. Oui, c'est Matsutake. C'est un champignon Matsutake. Sauvage ou un champignon d'élevage? C'est sauvage. Sauvage, oui. Ok. Et ça pousse beaucoup chez nous et beaucoup en Japon. Et chaque année, le prix, ça monte énormément, parce que les Japonais, ils vous achètent tout. Hein. Ils tout achètent et ils portent chez eux. Et c'est un champignon très pas fin. Américains vont à la cueillette des champignons, c'est déjà dans leur culture, ça. Dans le premier restaurant, c'est exactement comme ici. En automne, tu as les gens qui arrivent à la porte derrière l'entrée de cuisine. Mais c'est des Italiens, des Polonais. Oui, j'ai l'Italien ici, mais chez moi, j'ai un peu en Californie, on a les hippies qui arrivent, qui sont dans la forêt, ils ont trouvé le champignon, ils arrivent à ta porte avant le C'est pas les mêmes champignons aussi. C'est des champignons qui font rire. C'est des champignons. On ne sait pas. Alors, la châtaigne va aussi nous revenir. Oui. Vous la cuisinez aussi beaucoup. Carla voudrait avoir une petite idée de recette à base de châtaigne. Elle adore aller à la cueillette. Moi, je fais simple. Une fois la châtaigne, c'est légèrement rôti au four. Voilà. Je mets un huile. Donc, vous les entaillez sur le dessus? Oui, si tu as le champignon frais, tu mets un X sur le deux côtés. Ouais. Et puis, tu blanchis dans l'eau. Pour moi, c'est le plus facile. Deux minutes. Et là, après, c'est blanchi en l'eau 2 minutes, tu enlèves et tu mets dans un four. Et la vapeur à l'intérieur, ça va t'aider d'enlever ces coquilles qui est difficile d'enlever. Ouais. Tu mets au four 5 minutes et tu verras, pendant c'est chaud, il faut en laver. Si tu laisses ça refroidi, c'est encore plus difficile. D'accord, donc on enlève l'écorce rapidement. Oui, et sinon c'est facile, tu achètes le châtaigne déjà propre. Non, c'est facile. Oui, mais on peut simplement le faire au four. Donc on les fait blanchir et puis on les met au four. Et la peau se détache facilement. Une fois c'est bien et propre, une de mes recettes que je lance chez nous chaque année, on fait un caramel basé sur le sucre. On ajoute le châtaigne, une fois ça prend le caramel, mais plus foncé. Tu laisses ça fumer. Juste parce que ça fume, ça veut dire pas que ça brûle. Et tu ajoutes le châtaigne, immédiatement ça va casser un peu. Tu ajoutes un gorgée de cognac, ça va flamber. Et là, tu ajoutes aussi un bon jus de volaille. Et tu vas laisser ça réduire doucement avec un tige de céleri. Céleri et châtaigne, ça mélange très très bien. Si vous faites un soupe de boule de céleri et châtaigne, ça mange très très bien. Joanne nous dit faire régulièrement des soupes de potimarron et elle met un concassé de châtaigne dessus. Ah oui, c'est top. C'est pas mal, ça, très effectivement. Bon, très très bon. Ouais. Alors, on l'a entendu tout à l'heure, Carlo nous a dit que vous avez été élu meilleur jeune chef Benelux. C'était en 2015. 15, pour un plat à base de lapin. Alors voilà un produit dont on parle quasiment jamais dans cette émission, lapin. Très rarement sur les tables. Mais c'est parce que les gens, ils n'aiment pas de manger les petits lapins. Ils n'aiment pas les petits lapins. Ouais, voilà, mais ça fait partie de notre culture. Non, mais bien sûr, mais il y a déjà un problème, c'est l'approvisionnement en lapins de qualité, parce que bon, la plupart proviennent d'élevage et j'ai mangé il y a une semaine un lapin du Poitou chez Torosian aux Beaux-Arts Brasserie. Chez Karen Torosian aux Beaux-Arts Brasserie, qui était une espèce de quintessence de lapin. Oui. C'était extraordinaire. Alors, je ne sais pas. Par contre, en Belgique, je pense qu'il y a des gens qui font. On en a déjà parlé, me semble, Sophie. Il faudra qu'on retrouve des éleveurs de volailles qui font aussi du bon lapin. Mais il faudra remettre la main là-dessus. Peut-être. Christophe Hardy, qu'est-ce leur malhonneur le lapin dans son menu maintenant Bonbon. Héritage, recette bruxelloise. Il y a un lapin, je crois, qui est au pruneau. Oui. Plastique. Oui, exact. Christophe, qui était notre invité il y a deux, trois semaines. Oui. Alors, le lapin, d'abord, quelle partie du lapin vous cuisinez ? Des poils. Tout. Il faut tout utiliser. C'est pas en philosophie où on dit, on va essayer de tout utiliser parce qu'on a envie de tout utiliser, mais on va essayer de tout utiliser pour trouver le goût. Et pas juste d'éviter la peur dans le produit. Mais pour ce fameux concours, j'ai pris le filet. Oui. Mais c'est attaché aussi à le côté de poitrine. Et on a tenderisé le poitrine. Attendri. Ouais. Oui. Ça va. Le poitrine. Mais le cuisse de ventre, on a fait rôti pour braiser, pour faire un côté chair braisé. Là, derrière, on a pris le pâte derrière pour faire un farce qui était farci à l'intérieur de lapin. On a roulé et mettait l'ardonne à l'extérieur, d'avoir un joli boudin lapin. Qu'on a, plus tard, on a cuit sous vide, et puis on a coloré l'ardonne, et puis on a gardé même le petit os de côte, et on a rajouté ça pour donner un peu comme le côtelette. C'était le travail. Un plat très, très technique. Et très travaillé. Et on a chez utilisé mais même on a utilisé de le rognon. On utilisait de foie pour faire un pâté. Ah oui, on utilisait tout le corps pour faire les abats de lapin, c'est très bon, c'est très délicat en fait. C'est beaucoup moins fort que des abats d'autres animaux. Oui. Jean voudrait justement que vous nous donniez une petite idée de déclinaison de lapin, recette familiale. Donc on pourrait par exemple travailler sur le lapin en pruneau. Oui. Je trouve que ça fait un bon plat d'automne, malgré le beau temps du week-end. Mais le lapin en pruneau, donc on choisirait quoi comme pièce de lapin? Et comment est-ce qu'on ferait, chef? Mais pour moi, je découpe tout le lapin, comme ça tu as tes cuisses. Donc vous achetez le lapin entier. Tu achètes un lapin entier, et là tu peux l'utiliser. Tu commences par le dos et tu enlèves le filet. Et ça vient en morceaux et ça cuit vite. So, quand tu vas le poêler, ça fait ça aux dernières minutes. Ça c'est aux dernières minutes. Mais le cuisse, on peut commencer par un petit mirepoix. On colore le cuisse à la poêle. On ajoute dans un mirepoix avec un bouillon. Donc on va peut-être juste rappeler le mirepoix, Carlo. Carottes, céleri. Voilà. De légumes coupés en petits cubes. Voilà. Voilà. Et c'est juste ajouter un base légumes. On peut ajouter de poivre, graines de fenouil. Moi, j'aime bien avec lapin un touche de lavande. De lavande et le thym. Oui. Ah, pas mal ça. On vous a dit qu'il mettait plein de trucs. Oui, mais c'est étonnant. J'aurais pas mis de la lavande dans ma recette de lapin. Vous n'êtes pas avec Joseph. Non, c'est ça. Ce n'est pas évident de trouver la lavande, j'imagine. Lavande alimentaire. Oui, c'est un lavande. C'est un peu différent que la lavande saisonne. C'est vraiment le fleur dans plein saison qu'ils entrapent le petit grain. Mais de tout, tu mets dans un gastro, petit gastro. Une plaque, oui. Ouais, plaque. Mais sinon, on peut le faire à la maison, on peut le faire en cocotte. Oui, c'est ça, en coco, mais c'est super. Si j'ai bien compris le cheminement de la recette, on va faire le filet de lapin, celui-là, on va juste enlever le poil, bien tendre. En revanche, on peut faire braiser les cuisses. Ouais, exactement, avec un petit jus. Et moi, j'ajoute un bon vin blanc, un peu réduit. Un jus, tu peux prendre le jus de volaille pour aider d'avoir assez de jus. Mais le mieux, c'est de prendre toute ta journée, tu prends le lapin, tu vas le déhausser, hein, tu prends tes cuisses pour braiser, tu prends le carcasse, tu vas faire ton bouillon, tu prends le foin, tu vas le vite poêler avec des oignons, un peu de graisse dehors, tu vas le mixer après avec quelques gouttes de cognac sur les poivres, passer par un tamis. Petite farce. Tu peux braiser de rognons dans le jus de lapin vers la fin, ça cuit en 5 à 10 minutes, et tu coupes ça frais. Quand je dis le filet là, il ne faut pas cuire comme le volaille. Hein, c'est légèrement opaque à l'intérieur. Il faut comprendre le lapin. Le problème, c'est que c'est vite trop sec. Oui. Et on est toujours dans ce cas. Pour braiser aussi au four, je mets le four à 85 degrés tout bas. Et tu laisses ça 3-4 heures. D'accord. Ouais. 80-85 degrés, 3-4 heures pour mais un lapin. Je crois que pour se réconcilier avec le lapin, oui, ça vaut la peine d'aller manger le lapin dans un bon restaurant. Parce que c'est vrai que le lapin tout sec, où on te met toute la cuisse comme ça et il n'y a que la sauce qui est bonne, c'est vraiment pas intéressant. Mais quand on a goûté à ces lapins très travaillés comme le fait Alex ou comme le fait Karen dont j'ai parlé il y a 2 secondes, tout d'un coup on se dit ah merde, c'est bon la viande de lapin. Et du coup on se dit qu'on va le cuisiner soi-même et effectivement peut-être se lancer dans des préparations un peu techniques. Alors il y a Lisa qui a 17 ans, qui vient de nous envoyer un chouette message via notre page Facebook. Elle va cuisiner du lapin avec sa grand-mère qui a 88 ans tout à l'heure. Ah, c'est excellent. Dingue quand même. Ah, excellent. Voilà, donc je trouve ça. Voilà, c'est cette transmission comme ça de recettes. Mais c'est vrai qu'on peut remettre effectivement ces viandes à l'honneur. Alors, Alex Joseph, vous vous êtes associé à une grande campagne de promotion des ingrédients de la bière, l'orge, le malt. Exactement. Comment remettre ces produits finalement dans nos recettes du quotidien? C'est vrai qu'a priori, rien que l'orge, j'en ai jamais acheté, moi, personnellement. Non. Vous, Carlo? Non. Voilà. Enfin, si, j'ai déjà fait des risottis d'orge. Oui, mais alors, l'orge, par exemple. Pour revenir à l'orge, c'est une céréale qu'on trouve partout? Mais à la base, que je veux juste dire, c'est cette campagne, c'est vraiment de mettre à l'honneur de tout ce qui est produit le bière. Et dans la campagne, ils ont fait un research sur le marché, qu'il y a un en trois Belges aujourd'hui qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils boivent dans le bière. Et ils étaient allés à la rue. Ils étaient voir tout le monde qui était en train de boire la bière à la rue. Ils disent, monsieur, madame, vous connaissez qu'est-ce que tu bois? Ah oui, c'est de l'eau. Ils n'écoutent pas bien toi à mais table. Ils ne savent pas. Et il y a beaucoup, pour tout un pays qui est passionné par cette grande production de bière, et en États-Unis, nous, notre producteur, on se voit à la Belgique pour prendre l'inspiration aujourd'hui. Hein. Mm-hmm. Tout le petit micro-brasseur qui prend l'inspiration ici en Belgique. Et donc le Belge est amateur de bière, mais il ne connaît pas du tout même les ingrédients de bière. Mais il y a beaucoup qui connaissent, évidemment. Mais ils étaient juste fait un research à la marché et disaient, il a un en trois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Brewed by Nature lance une campagne pour parler de ces produits qui sont dans la fabrication de la bière. Mm-hmm. C'est l'orge, blé, houblon, eau, levure et de saveur et touche de chacun. Mais par exemple, pour l'orge, bon, je parle de ça parce qu'on est en train de déguster des petites préparations. L'orge qu'on peut donc trouver dans, par exemple, des magasins bio. Exactement. Hein. Si j'ai de l'orge à portée de main, je peux le travailler comment, par exemple? Mais il y a plein de différentes recettes que nous... C'est bien parce que pour moi aussi, c'est nouveau de challenge, de travailler avec tous ces produits et prendre l'inspiration un de la bière, un de ces produits, et de le payer ici en Belgique, avec cette histoire. Parce que c'est une recette qui n'a pas changé pendant des années, des années, des années. Hein. C'est le même fin d'année qu'on a fait il y a 300-400 ans. C'est le même recette aujourd'hui. Oui. Quasiment, c'est et alors, cette orge, comment est-ce que je pourrais le cuisiner, par exemple? Nous, à la manière d'un risotto? Risotto, c'est très bien. On a fait l'orge pelée en risotto. Oui. Donc, on le cuisine de la même manière qu'un risotto. Lance donc, on tes oignons doucement dans l'huile d'olive. Tu fais toaster, tu ajoutes l'ail juste après. Oui. Tu fais toaster l'orge pelée. Une fois, ça prend un peu de chaleur à la tuche, déglace avec de bière. Déglacer avec le bière, ça nous permet de travailler avec d'autres choses. C'est de tradition avec le vin. Et on prend la base de la recette italienne classique, mais on la remplace par l'orge. Et par exemple, chez nous, le restaurant, sur le Grand Place, on va faire avec des champignons qui vient d'Ardennes. Mmh. On attend le cèpe qui arrive. Et un peu de bon truffe à la fin, de parmesan râpé, le chips de parmesan, un peu persil, les légumes, les épices, c'est magnifique. Bon. Magnifique. Mais c'est vrai qu'on peut réhabiliter. Une autre idée de déclinaison gourmande autour de cette orge, pas mal de questions qui nous parviennent. Oui, mais aussi à côté ici, j'ai ramené l'orge qu'on a fait en popcorn. Ce qu'on fait, c'est tu prends une cuisson de l'orge juste au base d'eau et tu allais loin, jusque c'est quasiment trop cuit. Une fois c'est trop cuit, on met sur un plat qu'on va sécher. Et en sécher, tu prends 90 degrés, 4-5 heures, et tu attends que le coque de graines, ça commence à être dur, mais l'intérieur, tu as un peu de moisissure. D'accord. Donc, on les plonge dans de l'eau, si j'ai bien compris. Tu fais bien, bien cuisson, oui. Et puis, on va sécher ces grains d'orge sur une plaque de four à combien de degrés, combien de 90 temps degrés sec, 90 degrés sec, ça dépend de 4. Ça peut être 4 à 5 heures. 4 à 5 heures. Et donc là, on a du pop-corn à base d'orge. Et ce que ça fait, c'est si tu imagines bien, tu as 80% de ces sachets, tu as 20% de l'intérieur de moiture, et là, après, tu vas le frire dans un poêle. Et là, ça va faire comme un pop-corn. On a compris que le soufflet. Si tu veux faire à manger comme Alex Joseph, prends congé. Mais non, mais c'est pas ouvre un restaurant. Mais en tout cas, c'est chouette parce qu'on vous retrouvera dès le mois d'octobre sur la Grand Place de Bruxelles dans un restaurant éphémère pour justement nous faire découvrir toutes ces déclinaisons autour des ingrédients de la bière. Et je pense qu'on te retrouve à Culinaria aussi, non? Oui. On aura sablon en octobre. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer la dégustation, un petit peu de pub, et juste après, direction le Bordelais, Patrick Fievet, c'est Elsa Ménard. Elsa Ménard, du Château Mémoire, qui nous attend. Juste après la pub. Ça se passe sur la première. Tout à l'heure, à 13h, le grand oral RTBF le soir, Jacques Crémers. Il est commissaire de police avec une trentaine d'années d'expérience dans la lutte contre le terrorisme. L'islamologue Alain Grignard nous donne sa vision de l'État islamique, mais il nous parle aussi du rôle des médias et du business autour du terrorisme, 6 mois après les attentats de Bruxelles. Le grand oral RTBF le soir, de 13h à 14h sur la première, et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. La première présente le Festival Saint-Jazz les 23 et 24 septembre à la Jazz Station, une édition 100% belge avec Dre Palmer-Seva, David Thomas Trio, un concert unique des présidents des Lundis d'Hortense, Thomas Champagne Random House, Stéphane Mercier Quintet et la projection du film Mannequin Swing. Info saintjazz.be avec KBC Brussels. Vous venez de percevoir votre assurance groupe et vous voulez faire fructifier cet argent. Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. Un overboard, ça peut être considéré comme un véhicule de société. Oui, hein? Le progrès est passionnant, mais pas sans risque. Vivium Assurance, plus d'infos chez votre courtier. Salut, c'est moi, Hip. Quand on trouve une grande variété de bons vins, on aime en garder en réserve, pas vrai? Rendez-vous vite dans votre hypermarché Carrefour et venez remplir votre cave pour en avoir toute l'année. Jusqu'à ce samedi, à l'achat de 24 bouteilles, recevez, bam, 20% de réduction. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, d'Engie Electrabel. Ce samedi, dans le magazine Victoire, les tendances de la mode masculine de l'hiver. L'interview du rappeur Balogi, la révolution du costume sur mesure et les coulisses de la sellerie Hermès. Victoire spéciale homme, ce week-end, avec votre journal Le Soir. Demandez-le à votre libraire. La première présente Wim Mertens en concert. Le 21 octobre au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Le compositeur belge de référence internationale présente son dernier opus en première aux Beaux-Arts. Info et tickets, greenhousetalents.be ou 02 507 8200 avec Le Soir. Un vieil homme dit un jour, avec l'âge vient la sagesse. Mais pourquoi attendre? Aujourd'hui, l'Écho répond à 100 questions sur la pension dans le guide pension. Que prévoit l'État et votre employeur? Mais surtout, que faire par vous-même? Découvrez la réponse dans le guide pension, aujourd'hui gratuit avec l'Écho. L'Écho, prenez de l'avance. Vous venez d'où comme ça? L'Amérique. La danseuse, avec Soko, Lily Rose Depp, Gaspard Ulliel et François Damiens. Une fresque magnifique sur l'œil Fuller, artiste libre et moderne, dans un monde à l'aube de changement. Vous avez été éblouissante. Nous allons faire entrer cette maison dans le nouveau siècle. La danseuse, une coproduction RTBF, au cinéma le 28 septembre. Bientôt à table, des hommes et des vignes. Eh bien, pour le coup, ce sera des femmes et des vignes. Oui. Patrick Fievet, notre spécialiste vin. Vous nous revenez, Patrick, d'un joli voyage, une jolie balade dans le Bordelais. Vous avez eu l'occasion de rencontrer cette nouvelle génération de viticulteurs, de vignerons et vigneronnes qui ont décidé de mettre un bon coup de balai dans des pratiques que l'on décrit souvent et de plus en plus souvent. Exemple du jour, Elsa Ménard du château Mémoire, qui est avec nous ce voilà, matin. Bonjour Elsa, si vous nous écoutez. Ah bah oui. Oui, bonjour. Bonjour Elsa. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors dites-moi, vous êtes en pleine vendange dans le Bordelais? Oui. Alors racontez-nous, que nous réserve cette année 2016 dans les vignes? C'est très très joli, on a eu un bel été bien ensoleillé, un peu de pluie sur le début septembre et du coup là les blancs sont vraiment mûrs à point et une très jolie qualité. Avec une belle concentration. Nous dégustons, Elsa, votre château mémoire blanc Sauvignon 2015, figurez-vous, en studio. Mmh. Impeccable, bon, très bien. Vous nous mettez de bonne humeur, Elsa Ménard. Ouais. Alors, on peut de la tension et du gras. On peut peut-être situer le domaine, Patrick Chivet, oui. Où sommes-nous? Alors voilà, donc, tout d'abord, Elsa, elle a fait de l'agronomie, et puis elle est allée un peu travailler dans le milieu bancaire, c'est bizarre, et puis elle est revenue au domaine familial, où elle est maintenant responsable du développement commercial. Alors, nous sommes en plein sud, face à la Garonne, près de la petite ville de Langon, 35 hectares de vignes, je les ai vus, c'est vraiment splendidement exposé. Et sur l'autre rive, pile en face, nous avons le Sauternes. L'appellation Sauternes. On y produit ici au Château Mémoire des vins blancs secs, ce que nous dégustons pour l'instant, des rosés aussi et des rouges, ainsi que des liquoreux en appellation Cadillac. Alors Elsa, qui est arrivée au domaine, elle a fait un petit peu... elle a imposé, je dirais, sa personnalité à la famille, dans la mesure où déjà il y a eu quelques petites expériences, si je ne m'abuse, en bio. Elle a décidé de tout convertir, tout le vignoble en bio. Ah, ben là, c'est un sujet qui nous botte, hein, Carlo. Évidemment, oui, on a souvent l'occasion d'en parler. C'est surtout vrai que le vignoble du Bordelais n'est pas forcément réputé pour sa gestion durable des vignes. Hein. Elsa Ménard, vous n'allez pas me contredire. C'est vrai. Voilà. On est peu nombreux. Oui. Alors, souvent, l'argument, c'est pour protéger des productions qui peuvent être soumises à des maladies. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et en plus, il y a tellement de millions d'euros sur la table qu'ils ne peuvent pas se permettre simplement de perdre ces productions. Vous, cet argument, vous avez décidé de ne pas l'entendre et d'aller beaucoup plus loin et de convertir vos terres en biologique, c'est ça? Oui, absolument. Racontez-nous. C'est certain qu'au début, le choix, il fait peur à tout le monde, à tous les intervenants, et puis à nous, viticulteurs en premier. Mais moi, je voyais pas notre développement, notre survie, en fait, dans ce monde viticole, en tant que propriété familiale, avec des vins vraiment authentiques, sans le bio. Et puis le bio, moi, je l'ai fait en premier pour nous, les opérateurs, les viticulteurs, qui sommes tous les jours... Au contact des produits, et puis ensuite dans une déontologie, parce que nous on est très bio, et puis on y croit à 100%. Ensuite le bio, c'est d'autres contraintes, ça coûte plus cher à produire, et puis c'est sûr qu'on y est tout le temps, on n'arrête plus, hein. Alors Elsa, qu'est-ce que vous dites à vos confrères qui prétendent, comme l'a très bien dit Sophie tout à l'heure, mordicus, que c'est pas possible de passer en bio ou que c'est compliqué, quand vous vous rencontrez, parce que j'imagine que vous avez des bonnes relations de voisinage, vous leur dites quoi? Alors je peux pas nier le fait que ce soit compliqué. Parce qu'il y a un rappel à la terre, au terroir, qui demande un savoir. Et effectivement, dans des grosses équipes ou dans des grosses structures, on a perdu un petit peu de savoir-faire et de lien finalement avec le terroir même du domaine. Alors il faut redescendre dans les vignes, il faut réapprendre à regarder un peu, à anticiper, à suivre à les évolutions. Et puis ben, je leur dis que... Donc moi j'y crois, et que en même temps si on n'y croit pas, autant pas faire d'enfants, quoi, autant pas continuer. C'est une très belle réponse. Et pour les vins liquoreux, ça pose des problèmes supplémentaires. Le bio. Donc, on va peut-être juste rappeler le principe, Patrick Fivet, de ces vins liquoreux. C'est justement à Bordeaux. À Bordeaux, racontez-nous parce que. Bon, les vins liquoreux ou moelleux à Bordeaux, mais le liquoreux, ça se fait. Ce sont des vendanges qui sont tardives. Voilà. Ils se développent dans une pourriture dite noble sur les raisins après les vendanges dites normales. La proximité de la Garonne, de l'autre côté du Sauternes, également le Céron, des brumes matinales développent un petit peu ce champignon, finalement. Cette pourriture dite noble, sur les crins de raisin. Donc voilà, c'est un phénomène qui se passe presque, pas nécessairement tous les ans, et à des degrés d'intensité différents d'un millésime à l'autre. D'accord. Donc les sucres concentrent énormément dans le raisin, et ça permet... ça donne ce goût de rôti, comme on dit à Bordeaux, très particulier. Et qui est moi, fait capoter, comme disent les Québécois. Ce sont des vins sublimes. Et donc vous avez aussi adopté l'agriculture biologique pour ces vignes de vin, produisant des vins liquoreux. Et ça pose des problèmes supplémentaires, comme la saison est plus tardive pour les vendanges, avec les risques que ça peut impliquer, je ne sais pas. Non, c'est pas tant la date de récolte qui pose problème, c'est plus l'âge des vignes, parce que on a un vignoble vraiment très ancien sur cette production, puisqu'il nous faut une certaine maturité, il faut que les vignes aient atteint au moins 30-40 ans pour avoir une minéralité et vraiment une belle matière. Du coup, c'est des pieds qui sont vraiment vraiment anciens, vraiment tordus. Et pour le travail mécanique, puisqu'on désherbe mécaniquement, c'est un peu plus compliqué. Et la vigne, on a un peu plus de mal à la faire s'adapter. Des questions qui nous parviennent d'auditeurs, d'amateurs ou non, de vins de Bordeaux, mais qui nous demandent, est-ce que vous avez une idée de la proportion des vignerons convertis au bio? Et est-ce que vous pensez que ces grands propriétaires de grands crus pourraient un jour passer au bio? Elsa Ménard. Oui, la proportion, de ma dernière mise à jour, on était autour de l'ordre de 5 à 7% de vignerons bordelais à être bio. C'est peu, hein. Je pense que la tendance est largement à l'augmentation. Mmh. A priori, il y a quand même un mouvement en marche. Oui. Ensuite, par rapport à la question des grands crus, je pense que ce sont les premiers qui passeront bio. Ils ont les moyens et ils ont la force, et à la force commerciale et puis technique, de passer en bio, à partir de là, le mouvement sera réellement lancé. Ah, c'est intéressant. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est finalement les petits vignerons qui vont avoir plus de difficultés forcément à passer au bio, parce qu'il y a, j'imagine, une mise au repos des vignes pendant quelques années. Comment ça se passe? Non, c'est juste la conversion. Qui dure 3 ans, je crois. Ah, oui, c'est ça. Pendant la conversion, on produit. Bien sûr. Oui. C'est juste qu'il faut. Voilà. On est bio, mais on le dit pas. Voilà, c'est ça. Mais voilà. C'est difficile, la conversion, parce qu'en fait, j'ai souvent parlé avec une agricultrice bio en Italie, une viticultrice bio en Italie, et elle me disait qu'en fait, c'est quand la vigne a fini sa conversion, en général, elle se protège mieux toute seule. C'est les années dures. Enfin, je sais pas si Elsa Ménard, si vous allez nous contredire ou pas là-dessus, mais c'est la conversion qui est le moment le plus délicat. Non? Si, absolument, je suis d'accord. Autant la première année, on a encore les rebuts de l'agriculture conventionnelle, mais alors effectivement, la deuxième, troisième année, là, on a un retour du côté nature, de la biodiversité et du côté végétal qui reprend ses droits. Et là, il suffit qu'on ait des années un peu compliquées et c'est vraiment dur. Et de l'autre côté, on n'arrive pas du tout en vin bio puisque on n'a pas le droit de communiquer sur le côté bio tant qu'on est en conversion. Donc c'est vrai que ça fait partie des années les plus compliquées. Ouais. Ouais. Il faut dire bon dans ces années-là. Voilà. Peut-être un petit peu changer de sujet, puisque comme vous êtes arrivé au domaine familial, donc au Château Mémoire, vous avez décidé de changer certaines choses, donc notamment la pratique dont vous êtes passé en bio. Mais également, vous avez imposé le bouchon en verre pour vos blancs et vos rosés. Alors, quelle a été un peu la réaction de la famille? Oui. Vous en avez un là? Oui, c'est magnifique. Voilà. C'est très joli. Voilà. Ouais. Alors c'est quand même une décision familiale qu'on a prise en commun. Mes parents avaient essayé déjà en 2002 et 2004. Commercialement, c'était pas du tout passé. Et là, en 2012, c'est vrai que quand je suis rentrée, on reprenait de la vigueur commercialement et on avait vraiment cette ambition. Alors, on s'est tous lancés, on s'est tous regardés en disant on y va ou on n'y va pas. Et puis, moi, j'ai dit on y va. Et donc là, finalement, tout le monde est parti, quoi. Mais quels sont les avantages ou inconvénients du bouchon de liège traditionnel et l'avantage peut-être d'un bouchon en verre? C'était quoi finalement votre démarche? Alors, ça fait longtemps qu'on cherche une alternative au liège pour nos vins blancs secs et rosés, puisqu'on constatait au bout de 6 à 9 mois une perte de fruits, de fraîcheur et de vivacité de ces vins frais. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut les boire vite. Mmh. Donc nous, on cherchait une alternative puisque bon, on bosse quand même toute l'année pour avoir un vin sur la fraîcheur, sur un côté fruité et puis plaisant à boire. Donc c'était terrible pour nous de voir cette évolution. Et le verre est 100% recyclable et présente vraiment des vertus pour les vins blancs secs et rosés où on évite cet échange entre la bouteille et l'extérieur. En fait, cet échange qui permet le liège, on l'évite avec ce bouchon 100% hermétique qui a un petit joint plastique qui permet l'étanchéité. Et vous avez également imposé, Elsa, à votre paternelle, un changement d'étiquette. Ça ne s'est pas... Alors, racontez un petit peu l'anecdote quand vous avez présenté vos nouvelles étiquettes à votre père, à vos parents. Oui, alors ça, c'est sûr que c'était un petit combat. Après, c'est un combat de génération et c'est normal qu'on ait ces conflits. Quand j'ai ramené les nouvelles étiquettes dans un bon humour français, je dirais, mon père m'a dit « Alors, montre-moi ces horreurs ». Et effectivement, moi, j'ai répondu « De toute façon, ça ne peut pas être pire qu'avant. » Et là, le ton était donné. Et puis finalement, on est reparti tous les deux en se disant « Bon, allez, il va falloir que... qu'on fasse quelque chose l'un vers l'autre. » Et puis, non, mais ça se passe très bien. Mais c'est vrai que le Bordelais est réputé pour être une région très conservatrice, très bon. Très classique. Voilà. Et c'est bien aussi que cette nouvelle génération, que cette jeunesse, puisque vous êtes toute jeune, Elsa, permette à ce vignoble d'évoluer aussi, de garder ses points très, très positifs, son aura malgré tout, mais d'en faire aussi quelques jolies choses. Voilà, le domaine Château Mémoire, c'est à déguster aussi chez nous. On mettra, Patrick, les adresses pour trouver les magnifiques productions d'Elsa Ménard. On vous souhaite de très belle vendange, Elsa, et à tout bientôt. Merci, Elsa. À bientôt. Voilà. Le site pour obtenir toutes ces informations, Patrick, le guide d'achat des vins.be. Alex et Joseph, on vous retrouve chez Rouge Tomate. Nous allons bien entendu poster sur le site lapremière.be quelques-unes de vos recettes, parce que votre accent, certains de nos auditeurs n'ont pas tout compris. Donc on va tout mettre sur le site. Hein? Okay. Voilà. Oh, oui. Mais c'était très très bon. Carlo, on se retrouve la semaine prochaine. Rencontre avec un grand bonhomme de la boulangerie, Eric Kaiser. Ouais. Alors, il est un artisan, mais ça ne l'empêche pas de s'étendre dans le monde. D'avoir 160 boutiques, dont une. Très jolie démonstration de ce que la mondialisation n'est pas forcément la fin de l'artisanat. On en parlera avec Eric Kaiser. Voilà, à suivre les infos, la météo et Transversal. Très très bon samedi à l'écoute de la première et uniquement de la première. Et je vous retrouve demain matin dès 7h30. Je vous parlerai de pâtes à tartiner faites maison. Que du bonheur. Ciao, ciao. Ce mois-ci, le magazine Gaël découvre une Nadja Labib inattendue. Derrière l'ex-envoyée spéciale en Afghanistan et la présentatrice du JT de la RTBF, bouillonne une femme intuitive, ouverte, qui adore l'imprévu. Nadja est toujours où on ne l'attend pas. À découvrir ce mois-ci dans Gaël. Gaël. Vous avez tout pour vous. Etias, bonjour. Bonjour madame, je viens de rentrer dans une autre voiture. Rien de grave monsieur ? Non, j'ai juste mes trois enfants qui reviennent de l'école et une voiture qui ne roule plus. Écoutez, le dépanneur sera là dans moins de 30 minutes. Oh, c'est rapide ça, j'aurai pas le temps de faire les devoirs. Les devoirs ? Mais oui, pour une fois que j'ai les trois enfants bien assis et qui peuvent pas s'échapper. Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. Un vieil homme dit un jour, avec l'âge vient la sagesse. Mais pourquoi attendre? Aujourd'hui, l'éco répond à 100 questions sur la pension dans le guide pension. Que prévoit l'État et votre employeur? Mais surtout, que faire par vous-même? Découvrez la réponse dans le guide pension, aujourd'hui gratuit avec l'éco. L'éco, prenez de l'avance. À la maison, profitez plus ensemble. Chou, on irait bien en vacances entre mecs en Thaïlande. C'est bon ça les gars, oui. Vraiment? On part 3 semaines, 3 000 euros? Mais qu'est-ce que tu attends? Mais vas-y. Parfait, je réserve mon billet. Yes, tu disais quoi? Pendant qu'elle regarde le basket à la TV, il réserve des vacances avec ses potes grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi profitez plus et payez moins à partir de 39 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. conditions sur orange.be. C'est vendredi 23 et samedi 24 septembre à la Fnac et sur Fnac.be, réduction de 10% sur tous les ordinateurs et tablettes. Également ce dimanche sur Fnac.be. Fnac. Offre soumise à conditions. RTBF présente Mix City. Bruxelles. 2017, c'est l'année de la diversité à Bruxelles. Alors venez vous mélanger à Hello Mix City. Grand concert d'ouverture avec 120 artistes, 20 pays, 10 langues, 2 scènes et c'est gratuit. Hello Mix City, Mont des Arts, vendredi 30 septembre à 18h. Avec la Coq-Off, BX1 et le soir. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que ça vous intéresse d'acheter des post-it Cap 48 ? Baissez vos vitres pour Cap 48. À partir du 30 septembre, achetez les post-it Cap 48 au prix de 10 euros au profit des personnes handicapées. Cap 48, pour que le handicap ne soit plus un handicap. Une idée importante ? Ne la laissez pas s'envoler. Écrivez-la sur une note super sticky post-it. L'Opéra Royal de Wallonie présente Turandot, le chef-d'œuvre inachevé de Puccini. Une mise en scène de José Coura pour une ouverture de saison grandiose à Liège. Du 23 septembre au 4 octobre. Info et tickets opéraliège.be. Avec la première, la 3 et la Fédération Wallonie Bruxelles. La première. Météo. David Godefroy, excellent samedi à tous. Le temps sera estival cet après-midi. Les températures maximales atteignant souvent 23 à 24 degrés, voire localement 25 degrés en pleine. La nuit prochaine sera claire, relativement douce et sans formation brumeuse, minima de 11 à 15 degrés. Demain dimanche, le vent tournera au sud en se renforçant un peu. Pas de nuages en début de matinée et une fois encore, le mercure grimpera rapidement. Après-midi, des nuages s'amoncelleront sur la partie ouest du pays où des averses parfois orageuses seront attendues. Cette zone nuageuse gagnera ensuite le centre vers 16h-17h et l'est de la Belgique en début de soirée. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, d'Engie Electrabel. La première. Bon appétit, il est midi. Les infos, Rislan Kounda. Bonjour à tous. Cette rencontre avec le pape qui a lieu en ce moment même. 450 Niçois, victimes et familles de victimes de l'attentat de Nice sont reçus en audience privée au Vatican. Ils ont été invités par François lui-même plus de 2 mois après l'attaque au camion sur la promenade des Anglais qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés. Ce soir-là, un jeune homme, Alexandre, tente d'arrêter le tueur. Il court après le camion, essaye d'ouvrir la portière et puis lâche prise quand Mohamed Laouesh Boulel pointe son arme vers lui. Alexandre fait partie du voyage. Il se dit pas particulièrement croyant, mais il attend de cette rencontre avec François de l'apaisement. Un message de paix, un message de réconfort. Parce que bon, ce qu'on a vécu, c'est pas facile. On a peut-être des pensées qui partent un peu dans tous les sens. Un peu, voilà, par moments, je me sens pas bien. J'ai un peu de haine qui remonte en moi. Donc peut-être que ça va m'apaiser, des paroles d'un pape. Ça peut m'apaiser, quoi. Des propos recueillis par nos confrères de Radio France. Au total, 56 familles de victimes font partie du voyage. Un voyage payé par la ville de Nice, 300 euros par personne. Et cela fait polémique en France. Le voyage est critiqué notamment par la Ligue des droits de l'homme, pour qui la laïcité est bafouée. Les suites de l'enquête sur la cellule terroriste de Verviers. On apprend que la sœur d'un des djihadistes abattus en janvier 2015 lors de l'opération antiterroriste est sous mandat d'arrêt pour avoir participé aux activités d'un groupe terroriste, pour avoir tenté de rejoindre des zones de conflit et pour avoir diffusé des messages compromettants sur des réseaux sociaux. C'est ce qu'indique le parquet fédéral. Aux États-Unis, la tuerie hier soir dans l'État de Washington a fait 4 morts et 1 blessé dans un état critique. Le tueur est entré en armée dans un centre commercial. Il a tiré et ensuite il a pris la fuite et il est activement recherché par la police. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a validé cette nuit la réélection du président Ali Bongo. Elle a précisé à la télévision qu'il avait recueilli 50,66% des suffrages contre 47,24% pour son rival Jean Ping. Une décision qui a fait craindre de nouvelles violences dans le pays après des émeutes début septembre. Ali Bongo appelle au dialogue et à la conciliation. Jean Ping, lui, estime toujours que sa victoire a été volée. Alep, en Syrie, toujours sous une pluie de bombes meurtrières dans les quartiers rebelles. Le régime syrien mène une violente offensive offensive pour la deuxième journée consécutive. Ce samedi, au moins 25 civils ont été tués dans des raids aériens. Hier, des habitants de l'est de la ville ont dit avoir enduré les bombardements les plus violents depuis le début du conflit en Syrie. Enfin, l'ancien président français Jacques Chirac est toujours hospitalisé et poursuit son traitement pour soigner une infection pulmonaire. C'est ce que indique sa famille ce matin, après avoir été hospitalisé également pour souffler un peu. Bernadette Chirac, elle, est rentrée chez elle. Bel après-midi à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. À suivre maintenant, Transversale avec Olivier Nederland. Ça se passe sur la première. Demain à 14h, le classique du dimanche avec Nicolas Blanmont. Le pianiste turc Fazil Say vient d'enregistrer l'intégrale des 18 sonates pour piano de Mozart. C'est tour à tour beau, gai, drôle, fascinant, parfois un peu triste. C'est à découvrir ce dimanche. Le classique du dimanche de 14h à 15h sur la première et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. Cuisine Créfère. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfère. Cuisine Créfère, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Слава народу победителю. J'entame cette nouvelle année plein d'espoir. I will do everything in my power to save. Ce sera incontestablement le grand centre droit. L'acte d'accusation est lourd. Mettez de l'ordre dans votre gouvernement, monsieur le Premier ministre. La première, midi 13h le samedi, Transversale, avec Olivier Nederland. Bonjour à tous et bon week-end, bienvenue dans Transversale. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la santé, nous allons d'abord nous pencher sur l'avortement. On en parle beaucoup ces derniers jours en Pologne, où le gouvernement a des visions particulièrement restrictives et conservatrices sur la question. Mais à cette occasion, nous allons nous intéresser à l'interruption volontaire de grossesse chez nous. Certains partis voudraient en fait la sortir totalement du code pénal parce qu'aux yeux de la loi, l'avortement reste un délit aujourd'hui encore. Et puis certains voudraient aussi allonger le délai, permettre aux femmes d'avorter plus tard. Nous posons